L'heure avant l'heure, voyez-vous, c'est la pire. Parce qu'on n'est plus soi-même, seul, dans son petit intérieur, avec chienne et chatte, et la musique, et les voix qui sortent de la radio. Déjà plus soi-même, mais pas encore cet autre. Seul en scène. Avec l'ombre de celles qui lui ont dit un jour, « Vas-y, c'est à toi de jouer maintenant. À toi. » Et le public en face, dans la pénombre. L'heure avant l'heure, voyez-vous, c'est la pire parce que dans ce drôle de flou identitaire, dans ce no man's land existentiel, dans ce sas entre le dedans et le dehors, ah ben forcément on pense. On pense, on repense, et à force le cerveau finit par ressembler à un tambour de machine à laver en plein essorage. On en sort évidemment lessivé. Mais également apaisé. Un grand blanc dans la tête. Que dis-tu, maman ? Cogito vient à bout de toutes les tâches, toutes. Merci, Cogito. Merci, maman. Quand on en est à cette phase du programme, l'heure avant l'heure s'est écoulée jusqu'à la dernière goutte. Le tambour en a fini de tourner. Il faut y aller. Alors on sort du sas. On respire un grand coup. On s'avance en pleine lumière. Et c'est grand-mère, à main droite, toujours elle, qui lance les premiers mots. Il était une fois. Il était une fois. Mais la suite, on la connaît. Hein? Enfin, moi, je la connais. Car le public, lui, se trompe à tous les coups. Il croit connaître, forcément. Ce n'est jamais la même histoire. Enfin si, c'est toujours la même histoire, mais jamais racontée pareil. Et c'est bien là toute la différence. Dans la manière, dans l'art et la manière. L'art et la manière. Tenez, grand-mère par exemple. Si je la laissais raconter son histoire, ça ne serait personne pensé. Mariée à 20 ans, mari gazé grande guerre, veuve à 24 avec une fille conçue entre deux coups de canon, pas de remariage. Pas le moindre fricotage. Fidèle au poilu par-delà le tombeau. Bravo. Bravo, grand-mère. C'est beau. Bravo! C'est beau. C'est beau, mais tu as déjà entendu. Vois-tu, par des millions de fois, par des millions de femmes comme toi qui ne savaient pas raconter, qui se racontaient, ne savaient pas raconter. Raconter, voyez-vous, c'est un métier. C'est un art. On est payé pour ça, nous autres, pas très cher par les temps qui courent, J'en conviens. Mais payez quand même. Son histoire à grand-mère, vous me la confiez quelques jours. Je vous en ramène deux versions. L'une, vous arrachez toutes les larmes de votre petit corps. Et l'autre, à vous plier de rire. L'art et la manière, je vous dis. L'art et la manière. Et pareil pour l'histoire de la mère qui dit la même chose ou presque à 30 ans d'intervalle. Elle, ça n'est pas la guerre qui lui a ravi son chéri, c'est une veuve. Pas même de guerre. Plutôt joyeuse à ce qu'il paraît. 6 mois de mariage, top chrono. Anniversaire demi-noce de coton seul, face au miroir barbouillé de larmes. Goodbye, qui lui a susurré, chérie, goodbye. Dans le panier à commission, tu verras, je t'ai laissé des sous à gogo. Et dans ton panier mignon, un beau bébé à naître. Que demander de plus, hein? Tac, tac, clac, clac, toc, toc. Elle n'était pas gâtée, la mère. Tac, tac, avec le soupirant, clac, clac, la porte. Toc, toc au soupirail. Qui c'est? Qui c'est? Oh, une petite fille. Une adorable petite fille. Qui ressemblait à sa mère. Comme sa mère ressemblait à sa mère. Et sa mère sans doute à sa mère. Et... Mais jusqu'où on va comme ça? Hein? Et on fait quoi avec des histoires pareilles? Racontées par des gens qui savent pas. Ça ennuie. Pire, ça gêne. Et c'est pourquoi il y a toujours eu des raconteurs d'histoires. Aussi loin qu'on remonte, l'espèce a raconté. D'aucuns prétendent que tout a commencé lorsqu'un enfant a surgi d'un bois en criant « Oh loup! Oh loup! Oh loup !» Alors qu'il n'y avait pas de loup derrière lui et qu'il le savait bien le garnement. Vous voyez, ça date pas d'hier les histoires. Et celle de la mère, comme celle de la grand-mère, on pourrait en tirer quelque chose si on voulait. Pour en rire, pour en pleurer, au choix. Tout est dans la manière, dans l'art et la manière. L'art et la manière. Et tout ça fait passer peu à peu l'art avant l'heure, dont je vous disais qu'elle était la pire, pour ce qu'on n'y est plus tout à fait soi-même, et pas encore une autre. Plus tout à fait dans sa petite histoire, et pas encore dans celle qu'on va raconter. La pire aussi, disais-je, parce qu'on pense et brasse. Passé, présent, futur, tout y passe. La machine cérébrale lave tout. Ben oui, je sais, maman, tu l'as déjà dit. Toujours la même histoire, disais-je, mais jamais racontée pareille. Cela est vrai encore ce jour où l'histoire qu'on s'apprête à raconter pourrait en rappeler une autre. Décor mis à part. Car fini les chaumières à l'orée de la forêt et les chevillettes machin et les bobinettes tralala. Fini tout ça. Au grenier. Par contre, les personnages, eux, eh bien, ils demeurent. Ils sont ce qu'ils sont. Ils agissent comme ils l'ont toujours fait. La mère. La mère, par exemple. Oh, pour quelque obscure raison, grosse déprime ou frénésie de boulot, on ne saura jamais. La mère, toujours, se débarrasse de sa jeune fille en l'envoyant passer quelques jours chez sa grand-mère. Tu lui porteras ces quelques cerises. Elle aura folle. Précision number one. La grand-mère habite en ville, à Paris. Alors forcément, sur son balcon de 3 mètres carrés, il n'y a pas de cerise. Ah. Précision number two. Nous sommes en mai. Et ces cerises-là sont les premières de la saison. D'où l'irrésistible envie qu'éprouve la jeune fille d'en croquer deux ou trois. Vas-y, ma mignonne. Mère Grand n'y verra rien. Lui souffle une perfide petite voix. Ça y est? Vous commencez à comprendre. Mais c'est ainsi que la petite cède au désir et croque une, puis deux, puis trois de ces belles cerises dont le jus lui colore les lèvres d'un beau rouge parfaitement assorti à celui du foulard que porte autour du cou l'homme assis en précision number 3. La petite voyage en train, en seconde classe, avec les prolétaires. Oui, c'étaient nombreux les prolétaires ce jour-là à se rendre à la capitale, nombreux et bruyants. Et la jeune fille en est un peu incommodée. Et pour bien le montrer, affiche avec ses lèvres d'un beau rouge cerise une moue ravissante. Cette fois, l'homme assis en face d'elle, celui qui porte autour du cou un foulard d'un rouge assorti aux lèvres de la jeune fille. Bah, vous me suivez bien? Tout le monde me suit bien. Cet homme-là, donc, n'y tient plus et lui demande. Vous allez à Paris, mademoiselle? Quand on songe après coup, à tout ce qu'il aurait pu lui dire de romantico-poétique quant à l'harmonie chromatique entre ses lèvres purpurines à elle et son cache-col coco à lui. On ne peut être qu'affligé par la trivialité, le prosaïsme de la question. Précision number 4. Bon, vous avez sans doute remarqué dans cette dernière phrase combien le vocabulaire est-il choisi. Chaque mot réfléchi. Pesé, pile, poil. Bon, ben ça c'est entre nous, dans l'heure avant l'heure. Sur scène, je ne me permettrai pas. Moi, le public ne suivrait pas. Ou alors avec un dictionnaire. Purpurine. Le temps qu'il trouve, le spectacle est terminé, j'ai tout remballé et je suis déjà quasi de retour chez moi entre chienne et chatte. Purpurine. Bon, on reprend. Vous allez à Paris, mademoiselle. Ça serait à moi, aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience. Je lui rétorquerais, bah oui, mon coco, vu que c'est un direct en Gépaname, je vais pas descendre à Versailles chantier. Hein. Bon, cela dit, aujourd'hui, à moi, avec l'âge et l'expérience, je suis pas sûre qu'il aurait posé la question. Bon. Mais c'est une autre histoire. Pour l'heure, la jeune fille, elle, naïve, lui répond. Oui, je vais passer quelques jours chez ma grand-mère qui habite près de la place de la Bastille. Tant qu'elle y était, la sotte, elle aurait pu lui donner l'adresse. Le digicode de la porte d'entrée. L'étage. Attention à la 7e marche qui grince. Lui dire aussi que la clé était sous le paillasson. Alors pas besoin de s'enquiquiner à tirer une chevillette à la mort, moi, le compte, et encore moins d'attendre que la bobinette suive. Je suis pas gentil, je suis pas dire, on s'en fout. Vu qu'elle a rien dit de tout ça. Vous connaissez la chanson, mademoiselle? Alors là, je m'incline. Oh, ce type-là qui m'avait pas tellement impressionné avec sa première question, là, je le trouve très fort. Oh, car il a tout compris. Les cerises, le rouge, la fille, la Bastille, le temps des cerises. Ouh, très fort, vous dis-je. Très, très fort. Et d'autant plus dangereux. Non, je ne la connais pas, répond la jeune fille. On va la chanter cet après-midi sur la place de la Bastille, justement. Venez nous rejoindre. Je vous la prendrai. Moment participatif. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre signale, et merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merlin moqueur. Oh, sûr qu'il peut se moquer, le merle. Oh, mon Dieu, qu'elle était naïve. Naïve et sotte. Mais vas-y, le merlou, siffle. Plutôt trois fois qu'une. D'autant que... Précisant number five. Bon, sans doute, c'est perfume et authentique. Le type... s'appelait le loup. Pierre le loup. Pierre le loup. Oh, oh, tenez, encore aujourd'hui, quand il m'arrive d'avoir le moral vinaigrette, ou comme dans le cas présent, je m'efforce de passer l'heure avant l'heure, suffit que je me souvienne que cette petite bique a rencontré le loup dans un direct Angers-Paris. Oh, je me sens tout de suite mieux. Comme quoi, faut pas grand-chose parfois pour nous faire rire. La suite de l'histoire est moins drôle. Un mois après sa rencontre avec le loup, la jeune fille, bon, qui soit dit en passant, ne l'était plus, voyait rouge, pensait rouge, rêvait rouge. Elle était de toutes les manifs, militait pour toutes les causes, vendait de la feuille de chou rouge à tous les carrefours. Voyait des pavés sous la plage, interdisait qu'on interdise, etc. Même son avenir, elle ne l'imaginait pas rose, mais rouge. Infirmière au service de la bonne cause, parachutée à l'aplomb des pays en souffrance. Une kalachnikov dans une main, la trousse à pharmacie dans l'autre, et que je te dégomme du facho, et que je te soigne du populo, super nurse en mission, va des rétros, les pas beaux, suce en capitalo. La mère, plus déprimée ou plus accro au boulot que jamais, suivait l'affaire à distance, vu que la jeune fille avait élu domicile à Paris officiellement chez sa grand-mère. Cette dernière, en revanche, bien que très vieille et fort diminuée, n'en perdait pas une miette. Un jour, la petite, vint s'asseoir en sa chambre. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir l'argent que tu me piques en douce, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre sortir toutes les nuits, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Dis pas de bêtises, c'est un dentier. Pardon. Je me suis trompée. Excusez-moi. C'est pas la bonne réplique. On reprend. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Le loup en a de plus grandes, petite idiote. Et ne vois-tu pas qu'il t'a déjà dévoré, corps et âme, dévoré. À ces mots, la jeune fille s'enfuit pour rejoindre son gros loulou qui, lui, épuisé par trop de jours à se battre sur le pavé et trop de nuits à se battre sur le canapé, s'apprêtait à rejoindre son Anjou natal où il possédait une belle niche au creux des bois. Emmène-moi. Emmène-moi, implora la jeune fille qui ne l'était plus. Emmène-moi. C'est que juillet s'annonçait beau cette année-là. Et le gros loulou, il allait quand même pas sacrifier ses vacances pour défendre la cause du peuple. Sous les pavés, la plage, ça va un temps, mais il était venu pour mettre les choses en ordre et hop. Sous la plage, les pavés, ni vu ni connu, je me mets tout nu, j'étale ma serviette et on n'en parle plus. Emmène-moi. Emmène-moi. pleura la jeune fille qui ne l'était plus. Emmène-moi. Mais le loup refusa. Et l'ayant non seulement dévoré, mais déjà digéré, fit ce qu'il lui restait à faire. Une crotte. Et comme telle, elle abandonna au beau milieu du trottoir. Maman participatif. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une veine ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Tout ça, mine de rien, fait passer l'heure avant l'heure. Je commence à me sentir bien, plus calme, des nuages blancs dans la tête, plutôt devrais-je dire des grands draps blancs dans la tête, puisque c'est jour de lessive. Oui, des grands draps blancs qui flottent au vent. Et sur lesquels, tout à l'heure, viendront s'inscrire les mots d'une histoire. Les mots de l'histoire. Souvenez-vous, toujours la même. Jamais raconté pareil. L'art est la manière. Il était une fois. Il était une fois. Courage les filles, retiens le bon bout. Il était une fois. Magie des mots. À peine prononcé, c'est un rideau qui se lève. Un livre qui s'ouvre. Et puis on découvre un décor. Et dans ce décor apparaît un personnage. A-t-on fait une telle petite mère? C'est parce que j'ai dit que t'avais fait une grosse déprime quand ton chéri t'a plaqué. Oh. Mais c'est des histoires, tout ça. Des histoires. Ou que tu avais la citrouille enterrée dans le sable du boulot. Mais c'est des histoires. Mais des histoires, comment on s'en raconte pour faire passer l'heure avant l'heure? Pour noyer le crack. Et du même coup, noyer le poisson. Car trop d'histoires tuent l'histoire. C'est bien connu. Faut de tuer. Autant vous le dire. Il m'arrive parfois de penser que l'heure avant l'heure serait ma dernière heure. C'est-à-dire pas celle qui précéderait mon entrée en scène. Hein? Non. Celle qui préluderait à ma dernière sortie. Il serait une fois... Salut les filles. Faites-moi une petite place là-haut, dans le bleu du ciel. Comme autrefois, certains dimanches, certains jours de fête, Noël et les anniversaires. Toutes les trois autour de la table, vous vous souvenez? Avant la bûche ou le gâteau, on marquait toujours une pause. Parce que c'était toujours à ce moment-là que ça arrivait. Toc-toc à la porte. Toc-toc-toc. Trois coups comme au théâtre. Et grand-mère, toujours elle, allait ouvrir. Un colis pour mademoiselle, disait le coursier. Au début, quand j'étais petite, je me précipitais. Oh, une poupée. Une dinette pour ma poupée. Oh, une maison pour ranger ma dinette et ma poupée. Par la suite, quand j'étais moins petite et un peu princesse, j'attendais que le coursier dépose le paquet devant moi. Oh, un collier de perles. Oh, des boucles d'oreilles en or. Un coffret pour ranger mes boucles d'oreilles et mon collier. Et toujours, toujours maman soupirait. Je s'imagine qu'il peut tout acheter et tout racheter avec son argent. Bon, c'est pas le tout, disait grand-mère. Et si on la goûtait, cette bûche? Ou ce gâteau, ça dépendait de l'occasion. C'est à 17 ans, quand j'étais plus du tout petite et plus du tout princesse, que j'ai renvoyé le coursier et son collier avec un billet écrit de ma plus belle plume. Garde tes sous de capitaliste pour la bonne cause et toc! Après ça, plus besoin de faire une pause avant la butte de Noël ou le gâteau d'anniversaire. On n'a plus fait soyer tranquille. T'aurais pas dû, m'a souvent reproché maman. Sur quoi je lui rétorquais. Je t'imaginais peut-être qu'il pouvait tout acheter et tout racheter avec son argent. Bon, c'est pas le tout, disait grand-mère. Vous en reprendrez bien une petite part. Bon, c'est pas le tout, disait grand-mère. Vous en reprendrez bien une petite part. Il serait une fois. Dans l'heure avant l'heure dernière, je penserai aux copines aussi. Pas forcément. Adieu les copines, on s'est bien marrées somme toute. Même pendant ces soirées, on se retrouvait à tremper nos chagrins boudoirs dans des coupes de champagne. Célibatantes, souvent perdantes, jamais vaincues, qu'on disait. À votre santé les copines. Je parlais à première, voir comment c'est là-haut. Voir si les anges sont plus rigolos que les julots d'ici. Si leurs grandes ailes les rendent moins volages. Et cela me conduirait forcément à penser à eux. Pierre, Paul, Jacques et quelques autres. On n'allait pas croire. Entre les moines et les marionnettes. C'est comme ça qu'on les désignait avec les copines. Les moines, c'était ceux d'un soir. Ceux qui vous chauffent le lit quelques heures. À la manière de cet ustensile qu'on appelait aussi bassinoire. Vous savez, l'espèce de grande poêle à grand manche dans laquelle on mettait des braises chaudes. Autrefois, les femmes appelaient ça un moine. Sans doute parce qu'il les bassinait. À moins que ça soit le grand manche. Ah, les marionnettes, c'était ceux qu'on aurait bien voulu garder un peu plus longtemps. Mais alors là, rien à faire. Oh, trois petits tours. Trois petits tours et puis s'en vont. Voir ailleurs, en voir une autre, ou revoir l'officiel. La mère de mes enfants, comme ils disent, quand il n'y a plus d'amour. Nous, l'amour, on l'a toute connu, au moins une fois. Moi, deux. La première fois, c'est un mot de trop qui a fait tout capoter. Il n'aimait pas mes guignols. Il a eu tout peine de me le dire. Je n'aime pas trop tes guignoleries. Après 4 ans de vie commune, je n'aime pas trop tes guignoleries. Tes guignoleries, mon spectacle. Mon premier vrai spectacle. Des guignoleries, mon amour. Mon premier véritable amour. Mais restez là. Après ce mot de trop, les choses se sont dégradées lentement. Comme s'il y avait une fuite quelque part. Et que l'eau du dehors entrait peu à peu dans le dedans, s'installait entre nous, inondait tout. Un jour, on s'est retrouvés chacun sur son esquif, à ramer comme des perdus, à la dérive. Ohé, du bateau. Ohé, du bateau. Je vous épargne les détails du naufrage. Quignolette a fait un grand plouf en apnée totale pendant plusieurs semaines. Puis elle est remontée sur les planches, comme sur un radeau. Elle s'est remise à ramer. Toute seule. Il serait une fois. Ça se passerait la nuit. Oh, ne me demandez pas pourquoi. C'est ainsi. La nuit est dans la fleur de l'âge. Du moins, plutôt que prévu par les statistiques. La mémoire intacte, mais le palpitant qui flanche, je me sentirai pas bien. Forcément, avec tout ce qu'il avait enduré, mon cœur fragile, rien que le gros choc avec le petit dernier, ça n'avait pas dû l'arranger. C'était un jeune poète, mon amour opus 2. Un jeune poète doux comme un agneau. Bah, ça change des loups. Qui m'écrivent à le mignon des vers longs comme le bras. Qui ? Le chéri, je m'en souviens. Se plaisait à voir dans l'escargot la métaphore de sa condition. Tu vois, me disait-il, je suis comme lui, dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur, partout chez moi, nulle part à l'abri. Là-dessus, des fois que j'aurais pas compris, grand discours sur le pouvoir des mots, sur l'universalité de la poésie, sur les troubadours, chantres et autres métromanes qu'on persécute de par le monde, auxquels on coupe les mains, la tête, la plume. Et moi, bon public, j'en pleurais à chaque fois. Des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Oh, mais c'est comme ça, on se refait pas. On a été marqué au fer rouge. C'est pour la vie. Cela étant, un bonjour de notre troisième printemps d'amour, alors qu'il venait de publier son premier recueil de poésie et qu'on avait parlé de lui dans le journal. Mon escargot. Mon petit gris, mon gastéropopo de Bourgogne. Il s'est approché de moi, tout mou, tout penaud dans sa coquille. Tu vois, mamie, qu'il m'a bavé dans l'oreille. Tu vois, j'ai eu besoin de toi pour déployer mes ailes. Et maintenant, j'ai besoin de te quitter pour prendre mon envol. Cette réplique, certes bien troussée, oblige à un double constat. Primo, on peut être un bon poète et n'y rien connaître dans les petites bêtes. Car la métamorphose de l'escargot en petits osions, vous m'excuserez, mais moi j'ai de la peine. Hein. Bon. Deuxièmement, on peut être un bon poète et un fieffé salaud. Car non seulement le colimaçon chérubin s'est envolé avec tous les sous déposés dans le panier à commission, mais il n'a jamais rien voulu déposer, lui. Jamais rien voulu déposer dans mon panier mignon à moi. Bon, pourtant, il était encore temps. Mais surpopulation de la planète qui disait « On n'arrivera plus à nourrir tout le monde. » C'est vrai que ces petits verres à l'huile n'auraient pas suffi. Bon pour les piafs, les petits verres. Pas pour les loupiots. Il avait peut-être raison. Toujours est-il, depuis qu'il est parti, je ne peux plus blairer les escargots. Ni farci, ni vivant. Surtout vivant. Quand j'en vois un, je tourne la tête ou je change de trottoir. Oh, sinon, j'en ferai de la bouillie sous la semelle. De la bouillie poète. Poète. Poète. Les sanglots longs des violons de l'automne. Ouais. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ouais, ouais. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui la liberté ravit. Ouais. Mon enfant. Ma sœur, songe à la douceur. Pouette. Quand je vous disais que dans l'heure avant l'heure, on pense et on repense. Et ça vide, mais ça fait du bien en même temps. Allez, on en écrase un petit dernier. Pour le plaisir. Hein? Oui. La chair est triste, hélas. Et pouette, pouette, pouette. Et puis on continue. Donc, ça se passerait la nuit. Et seul. Entre chienne et chatte. Une douleur très vive à la poitrine. Et dans le bras. Mon petit cœur qui lancerait des SOS. Tututu, tututu, tututu, tututu. Oh, ils arriveraient sûrement trop tard. Tututu, tututu. Ils arrivent toujours trop tard. Tututu, tututu. Dans le doute quand même, j'aurais pas raté ma sortie. Alors tant bien que mal, j'ôterais ma chemise de nuit et enfilerais ma robe de scène. La rouge. Très décolletée. Tant qu'à faire. Puis j'attendrai. Entre chienne et chatte, entre mère et grand-mère, j'attendrai que le rideau noir se lève, que les candélabres s'allument. Et pour changer, désolée grand-mère, c'est moi qui parlerai la première, moi. Il était une fois, moi. Il était une fois, moi. Oh, ben, je ne sais pas encore ce que je dirai après. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Oh, j'y songerai dans l'heure avant l'heure, c'est fait pour ça. Ah, nous n'en sommes pas là. L'heure présente touche à sa fin. Il va falloir y aller, les filles. Comme il nous reste un peu de temps, j'aimerais juste revenir sur la petite. Vous vous souvenez, la petite? Non? La petite. Celle que Pierre Leloup a dévorée puis évacuée, telle une crotte au beau milieu du trottoir. Faudrait pas croire qu'elle y est restée sur le trottoir, la petite. Bon, d'abord, elle était plus petite. Et puis, c'était pas son genre. Non. Quelques semaines plus tard, le croirez-vous, elle montait sur les planches. Avouez que c'est pas banal. Hein? Il y en a beaucoup qui passent du caniveau au trottoir, mais du trottoir au tréteau, bah, c'est moins court. Deus ex machina. Bon, enfin, façon de parler. Le Deus en question, c'était plutôt du genre Signore Geppetto, ou Docteur Coppelius, ou Pygmalion. Enfin, vous voyez le genre. Grand manipulateur, grande manipulatore. Toujours est-il que la petite, elle s'est retrouvée sur les planches, a incarné tout le délire, tous les désirs du maître, auteur, directeur, comédien, metteur en scène, amant les jours de relâche. Pour être bien entourée, elle était bien entourée, la petite. Je ferai de toi, Salabalnar, mon enfant. Oh, maître grand, que vous avez un gros ego. Ça a duré un peu plus longtemps que l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Puis au final, ça a pété un peu plus fort aussi. Des mots. Des mots. Des petits acérés qui piquent et piquent ici et là. Et puis des gros bien chargés de fiel qu'on se balance en pleine poire. Et puis, une claque aussi, qui lui a résonné longtemps dans la tête, à la petite. qu'elle s'est jurée que c'était la dernière. La der des der. Car maintenant, elle n'était plus ni petite, ni princesse, ni poupée, ni poupette, ni passionnariat, ni égérie. Maintenant, elle comprenait pas mal de choses. Elle voyait plus clair, plus loin. Un chemin s'ouvrait devant elle, là-bas. Et de part et d'autre de ce chemin, il y avait des cerisiers en fleurs. Et tout au bout de ce chemin, il y avait un rideau rouge. Rouge, comme les cerises qu'elle brûlait d'envie de croquer à belles dents. À toi de jouer, s'est-elle dit. À toi de jouer, maintenant. Le rideau rouge s'est ouvert. Les projets se sont allumés. Alors elle a respiré un grand coup. Elle s'est avancée en pleine lumière. Et c'est grand-mère à sa main droite qui a lancé les premiers mots. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois.